Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez fascinant. Oui, une collection de lettres spirituelles qui date de 1982. C'est ça, Lettres de la Voix Infinie par Joel S. Goldsmith. Et notre mission, disons, c'est d'en extraire les idées les plus surprenantes sur qui on est, sur la réalité et sur ce que ça veut vraiment dire prier. Et il faut préciser une chose tout de suite, je pense. Même si le langage utilise des références bibliques, ce n'est pas un texte religieux au sens dogmatique. Voilà, exactement. Il ne propose ni église, ni dogme. C'est plutôt une philosophie de vie basée sur des principes qu'il dit universels. Absolument. Et pour commencer, il y a une idée qui tombe à pic en ce moment, le concept de se souhaiter une bonne année. La vision de Goldsmith là-dessus, elle est assez directe. Il dit qu'une bonne année, en fait, ça ne peut pas nous être donné. C'est un peu brutal, dit comme ça. Oui, rien ne va tomber du ciel. C'est nous qui la créons, de l'intérieur, à partir de notre conscience actuelle. C'est un point de départ qui, d'emblée, nous met face à nos responsabilités, quoi. Fini l'attente passive, l'idée d'une sorte de loterie cosmique. C'est ça. La formule qu'il utilise est très claire. Nous n'aurons demain que ce que nous revendiquons aujourd'hui. C'est radical. L'avenir n'est pas un truc qui nous arrive. Non. C'est juste le déploiement de ce qui est déjà là en nous. D'accord, mais... Alors, si c'est à nous de créer, la question c'est qui est ce « nous » ? Qui est ce « je » qui est censé être aux commandes ? Oui. Et là, le texte propose un petit exercice tout simple. Fermer les yeux, dire silencieusement « je » et se demander « est-ce que ce « je » il est dans mes pieds ?» Dans mon ventre. Et quand on fait l'exercice honnêtement, on réalise vite que... non. Non. Ce « je » n'est nulle part dans le corps. On est conscient de son pied, mais le « je » qui observe, il n'est pas le pied. Donc la conclusion, c'est que ce « je », ce n'est ni le corps, ni le cerveau. Ni même les pensées qui y circulent. Ce « je », pour Goldsmith, c'est la conscience elle-même. Je vois. Mais alors, si je ne suis ni mon corps, ni mon nom, ni mes pensées, qu'est-ce qui reste ? C'est un peu angoissant, non ? On a l'impression de tomber dans le vide. C'est une réaction normale. Mais pour lui, ce n'est pas un vide, c'est une ouverture. Et c'est là qu'il fait un saut, disons, conceptuel. Il part du principe qu'il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers. Une conscience infinie, qu'il nomme Dieu. Mais attention. Oui, ce n'est pas le Dieu. Non, pas le vieil homme barbu. C'est une présence impersonnelle, la substance de tout. Et si c'est le cas, alors notre petite conscience individuelle... Elle ne peut pas en être séparée, en fait. Elle en est une expression, en fait. Voilà. Une individualisation de cette conscience unique. Ah, d'accord, oui, ça change tout. L'idée n'est plus de se dissoudre, mais de réaliser qu'on fait partie d'un truc immense. C'est vertigineux parce qu'on passe notre vie à essayer de nous améliorer. Oui, comme si on était un projet à réparer. Exactement. Et là, le texte dit « Le projet est déjà complet. Il faut juste en rendre compte. » C'est un changement de paradigme total. C'est ça. On passe de la construction à la révélation. Goldsmith cite souvent cette phrase « Moi et le Père sommes un ». Pas comme un truc unique réservé à un prophète, mais comme une vérité pour tout le monde. Oui, et si cette unité est réelle, alors la sagesse, l'harmonie, l'abondance, ce ne sont pas des choses à obtenir. Elles sont déjà là. C'est notre nature profonde. En attente d'être reconnue. Alors cette nouvelle vision du jeu, elle doit forcément... tout changer dans notre façon de communiquer avec cette conscience. J'en viens à la prière. Oui. Le texte est très, très critique envers la prière classique. La liste de demandes, quoi. La santé, l'argent. Oui, il dit que c'est une tentative d'amadouer un dieu presque humain, un genre de monarque céleste qu'il faudrait convaincre de nous donner des choses. Comme si on devait mériter ses faveurs, absolument. Et pour Goldsmith, ça part d'une illusion, l'illusion qu'on est séparé. Si on est un avec la source, lui demander quelque chose, c'est comme si ma main demandait du sang à mon cœur. C'est absurde, oui, le lien est déjà là. Il rappelle l'enseignement de base, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, il est déjà là. Donc la prière ne sert pas à le faire venir, elle sert à le réaliser. C'est ça. Je comprends la logique, mais pour quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'aide, l'instinct de demander, c'est humain. Est-ce qu'il rejette ça ou est-ce qu'il le redirige ? Il le redirige complètement. Il propose de remplacer la prière de supplication par une prière de réalisation. D'accord. Et pour montrer ce que c'est, il donne des exemples très concrets de ce qu'il appelle une prière efficace. Et franchement, à première vue, ça ne ressemble pas du tout à des prières. C'est ça qui est dingue. Le premier exemple, c'est l'altruisme. Il raconte cette histoire sur les guérisons à Lourdes. Les enquêtes auraient montré que les gens qui étaient guéris, c'était souvent ceux qui avaient complètement oublié leur propre maladie et qui priaient avec une ferveur incroyable pour les autres. Le mécanisme clé ici, c'est l'oubli de soi. Tant qu'on est obsédé par notre problème, notre manque, on maintient notre conscience dans un état de limite. On est coincé dedans. Voilà. Et en se tournant vers l'autre, en voulant le bien pour quelqu'un d'autre, l'ego et ses peurs s'effacent un peu. Et c'est dans cet espace libéré du « moi, moi, moi » que la grâce peut, disons, intervenir. Le deuxième exemple est encore plus fou, le pardon. Il y a cette histoire d'un enfant dont le chien vient de se faire écraser. Oui, l'animal gît sur la route, apparemment mort. La famille prie pour le chien, mais rien ne se passe. Et l'enfant va prier tout seul, dans son coin. Il revient quelques minutes après, et là, le chien se lève et se met à courir comme si de rien n'était. Et le plus important, c'est la suite. Quand ses parents médusés lui demandent ce qu'il a bien pu dire à Dieu, il répond « Je n'ai rien demandé, j'ai juste prié pour pardonner au monsieur dans la voiture, pour qu'il n'ait pas ce péché sur la conscience. » Waouh ! Là, on est dans le miraculeux, c'est sûr. Ça peut en bloquer certains. Mais si on met de côté l'aspect littéral, quel est le principe derrière ? Est-ce que le pardon a un pouvoir concret ? Absolument. Le principe est le même que pour l'altruisme. Demander la guérison du chien, c'est rester concentré sur le problème, la discorde. D'accord. En choisissant de donner le pardon, l'enfant a changé sa propre conscience. Il est passé d'un état de tragédie à un état d'amour. Il n'a pas cherché à obtenir un truc. Il a créé un état de grâce en lui. Et c'est cet état de conscience harmonieux qui permet à l'harmonie de se manifester à l'extérieur ? C'est l'idée de Goldsmith, oui. La prière n'est pas une transaction. C'est une transformation de soi. Et le dernier exemple, c'est peut-être le plus simple. L'abandon. Il prend la prière d'enfant, maintenant je me couche pour dormir. Oui, je prie le Seigneur de garder mon âme. Il dit que ce n'est pas juste une comptine, c'est un des plus hauts états de prière possibles. Parce que c'est une reddition totale. L'enfant, face à la nuit, il reconnaît qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas se protéger. Il ne peut pas garantir qu'il va se réveiller. Exactement. Alors il se remet entièrement à une puissance plus grande. C'est comme dire « Père, je ne peux rien par moi-même, prends le relais ». Il n'y a aucune demande, juste une confiance absolue, un lâcher-prise. C'est vraiment à contre-courant de notre époque, qui est obsédée par le contrôle, la planification, le hustle. L'idée de juste faire confiance, c'est presque subversif. Ça l'est. Et ces trois exemples, altruisme, pardon, abandon, ils convergent tous vers la même idée. La vraie prière, ce n'est pas de parler à Dieu. C'est de se taire pour l'écouter. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. On inverse complètement le flux. C'est une vision magnifique en théorie. Mais soyons honnêtes, comment on fait ça un mardi matin coincé dans les bouchons en retard à une réunion? Comment on passe de ça à une application concrète? Ben oui, c'est la question clé. Et la réponse du texte, c'est une discipline qu'il nomme « pratiquer la présence ». Une pratique. Oui, une démarche active. Il ne s'agit pas d'attendre que la révélation nous tombe dessus. Il s'agit de se souvenir, consciemment, délibérément, tout au long de la journée, de cette réalité intérieure. C'est comme un muscle qu'on entraîne. C'est exactement ça. Au début, c'est dur. On y pense une fois par jour, et encore. Mais avec la persévérance, on crée une nouvelle habitude de penser. Donc, ce n'est pas une question d'être zen 24 heures sur 24. C'est plutôt d'introduire des micro-moments de conscience dans le chaos du quotidien. Précisément. Ça peut être aussi simple que de prendre 3 secondes avant de décrocher le téléphone pour se rappeler « l'esprit en moi et ma sagesse ». Ou face à un stress, juste une respiration pour se souvenir « le Père en moi est plus grand que ce problème ». Le texte suggère aussi des moments de méditation plus longs, bien sûr, où l'on contemple une idée. Oui, on prend une vérité comme « moi et le Père sommes un » et on la laisse infuser, jusqu'à ce qu'elle passe de la tête au cœur, qu'elle devienne une conviction ressentie. Et le but final de tout ça, qu'est-ce qui change concrètement quand cette nouvelle conscience s'installe? Le changement est fondamental. On passe d'une vie basée sur l'effort humain, la force personnelle, où on essaie de tout contrôler, à une vie vécue dans la grâce, où l'on permet à cette intelligence intérieure de prendre les rênes. C'est l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas moi qui agis, mais le Père en moi qui accomplit les œuvres. On arrête de nager à contre-courant, on se laisse porter. C'est l'image de la branche connectée à la vigne, qu'il utilise souvent. Oui. On passe de l'état de la branche coupée, qui essaye désespérément de faire des fruits toute seule. à la branche qui reste juste attachée. C'est ça. Et la branche, elle n'a pas à se demander comment fabriquer de la sève. Son seul travail, c'est de rester connectée. Et parce qu'elle est connectée, la vie de la vigne s'écoule à travers elle. Et produit les fruits sans effort de sa part. C'est une métaphore parfaite. Le passage de l'effort à la grâce. Et donc, l'harmonie, la santé, l'abondance, ce ne sont pas le but de la quête. Ce sont des conséquences naturelles. C'est exactement ça. Le texte les appelle les choses ajoutées. On ne prie pas pour les fruits. On se concentre sur la connexion avec la source. Mmh. Et les fruits apparaissent comme une conséquence. Inévitable. On arrête de vouloir manipuler les effets et on s'aligne avec la cause intérieure. Donc, si on devait résumer en quelques points, premièrement, notre vrai jeu, c'est la conscience, une expression du divin. Oui. Deuxièmement, la prière efficace, ce n'est pas demander, c'est écouter. C'est un état de réceptivité. Mmh. Et enfin, l'harmonie dont nous vivons, ce n'est pas le résultat d'une lutte, mais le fruit d'une réalisation intérieure de notre unité avec la source. C'est une excellente synthèse. Tout le message, c'est une invitation à changer, de système d'exploitation en quelque sorte. Cesser d'essayer d'utiliser Dieu et commencer à permettre à Dieu de s'exprimer à travers nous. C'est un renversement complet. Oui, et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question à méditer, je crois. Dans notre quotidien, est-ce qu'on agit comme cette branche coupée de l'arbre, en essayant frénétiquement de survivre avec nos propres ressources limitées, notre petite réserve de force et d'intelligence? Ou est-ce qu'on vit avec la conscience qu'on est, à chaque instant, inséparablement relié à la vie infinie de la vigne, en laissant sa sève inépuisable s'écouler à travers nous, sans effort?